من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي وفقنا لإصلاح هذا الجهاز هذا حتى اجتمعنا مرة أخرى على الدروس التي قد بدأنا فيها. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aidé à yani hatta le computer hada yani hatta asbaha yishtaghil min jadid, parce que il y avait beaucoup de problèmes dans cet internet. Alhamdulillah qui nous a aidé à nous rencontrer encore une fois à la ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. كان المفروض ان يكون الدرس اليوم شيئا اخر، لكن يعني لم يكفيني الوقت للمراجعة والتحضير، ففضلت أن أقرأ عليكم بعض الأحاديث نستفيد منها إن شاء الله تعالى. Donc on va lire quelques hadiths du Sahih al-Jami' Sheikh al-Albani عليه رحمة الله. Quoique le درس d'aujourd'hui normalement c'est pas les hadiths. Et comme je n'étais pas assez concentré, j'ai préféré laisser le درس إن شاء الله à demain. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، وأن الواحد منا إذا ذهب عند أخيه مثلا أو إلى أي بيت من بيوت، إذا دق على الباب يدق الباب ثلاث مرات فقط وينتظر. بعد يعني ثلاث مرات هي المرة الآخرة، ثم إذا أراد أن يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن لا يزيد الرابعة، إنما يرجع بعد الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. نعم، أنت لا تدري لماذا لم يؤذن لك، لأن صاحب البيت لأن له شغلا أو له شيئا يريد أن يقضيه أو لأنه مشغول مع أهله، فكان من حكمة بما كان أنه لم يفتح بعد الثالثة، فإن المطلوب من المسلم أن ينصرف. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith صحيح إذا استأذن أحدكم ثلاثا، si quelqu'un de vous par exemple استأذن، par exemple il demande la permission، par exemple il va frapper à la porte d'un ami ou là d'un parent ou là، il frappe trois fois. Si il n'y a aucune réponse et on ne veut pas lui ouvrir la porte par exemple pour des raisons que seul Allah Azza wa Jal connaît et seul le propriétaire de la maison connaît. Ici, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on doit revenir. Yani, on doit yani, laisser, on doit yani, se désister et ne plus frapper à la porte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré qu'on peut faire cela trois fois seulement, pas la quatrième fois. Trois fois, par exemple, trois sonnettes. Si c'est pas en frappe, peut-être la sonnette trois fois. La quatrième, normalement la quatrième, on ne doit pas la faire. Parce que trois fois, c'est assez suffisant et pour que le propriétaire sache que on veut ou là on le veut. Maintenant, s'il ne veut pas ouvrir, lui, il sait pourquoi, il a ses raisons. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après la troisième, qu'il retourne chez lui et on ne doit pas insister encore plus. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فإن الرجل ليس له أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى المسجد، لكن كما قال العلماء بشروط: أن تريد فعلا المسجد مثلا لتتعلم، ولا تريد مثلا تجعل المسجد مسجد يصبح كمكان للمواعيد مع النساء وكذا، إنما تريد المسجد لتتعلم دينها وتسمع الخطب وتتفقه في دينها. وكذلك من شروط ذلك أن لا تخرج مثلا متعطرة، أن لا تخرج مثلا متعطرة. وكذلك يجوز له أن يمنعها إذا علم شيئا آخر، إذا كانت هناك قارنة تدل على أن نية المرأة ليست الذهاب إلى المسجد للتفقه مثلا، وإنما تخرج لأغراض أخرى وتتذرع بالمسجد، تقول أنا قصدت المسجد، لكن هي في الحقيقة المسجد سبب فقط، فهنا أيضا يجوز لزوجها أن يمنعها. دونك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم قال دون حديث صحيح: إذا استأذنت أحدكم امرأته si si votre femme, je donne en tout cas le sens, si une femme ou une épouse demande la permission à son mari d'aller à la mosquée, فلا يمنعها, qu'il ne l'empêche pas. Hada amr min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne l'empêche pas. Si une épouse demande à son époux d'aller à la mosquée, qu'il ne l'empêche pas. C'est ainsi qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les ulama ont dit il y a certaines conditions. Par exemple, la première condition, c'est qu'il sache vraiment qu'elle veut la mosquée pour la mosquée. Ça veut dire pour aller, pour écouter les dourous, pour apprendre, pour yani tatafaqqa fi din. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yurid bihi Allahu khayran yufaqqihu fi din. Lorsqu'Allah azza wa jal veut de quelqu'un du bien, il va lui apprendre le din et la religion, et l'islam et le fiqh, et la jurisprudence, etc., et la salat et la aqida, etc. Donc, si on sait que l'épouse Hadi veut aller en ce sens pour qu'elle apprenne ces choses-là, il est interdit à quiconque d'empêcher sa femme d'aller à la mosquée. Maintenant, si c'est que la mosquée c'est seulement une cause, mais elle va pour d'autres choses, hein, pour se rencontrer là-bas, pour discuter, pour plaisanter, pour parler des gens, pour ça, le mari a droit de l'empêcher d'aller à la mosquée, parce que dans ce cas, elle ne va pas à la mosquée à cause de la mosquée, mais elle va à la mosquée à cause d'autres choses. Et puis les ulama aussi ont dit que d'accord, je te permets d'aller à la mosquée, mais va à la mosquée à cause de la mosquée, ah, Riyad, hein? Va à la mosquée à cause de la mosquée. Je disais que non, maintenant si c'est aussi que elle va, par exemple quand elle sort, elle va se parfumer, là aussi le mari a droit de l'empêcher d'aller à la mosquée. Entre parenthèses, Fakat, quiconque yani veut par exemple m'aider dans la traduction, etc., il lève la main, je lui enlève le point rouge, que ce soit un frère ou une soeur, je lui enlève le point rouge et il peut yani m'aider dans la traduction. Quiconque connaît les deux langues, l'arabe et le français, il te favole. Pire que cela, inshallah, il a des ajr. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'aider quelqu'un qui fait de la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu kana huwa shakhsiyan radiyallahu ta'ala anhu ma'a al-ghayra al-shadida allati 'indahu fi bikhus nisa kana la yastati'u an yamna'a zawjatahu idha qalat lahu wasta'dhanat fi al-dhahab ila al-masjid innama kana yaf'alu shay'an akhar huwa annahu yamshi min wara'iha liyanzur yani madha taf'al faqat. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui était le plus jaloux des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand son épouse lui demandait d'aller à la mosquée, il ne pouvait pas l'empêcher, mais il faisait autre chose. Des fois il marchait derrière elle sans qu'elle sache, on ne sait jamais, il dit peut-être quelqu'un va lui parler, peut-être il marchait derrière elle tellement il était jaloux, mais quoi, il ne pouvait pas l'empêcher d'aller à la mosquée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith. ثم إن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال مرة لأحد أبنائه، بعضهم يقول حمزة بعضهم يقول سالم قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه أما أنا والله سأمنعها. قال له عبد الله بن عمر أقول لك قال رسول الله تقول أما أنا؟ يقول الراوي فلم يكلمه من ذلك اليوم حتى مات. فلم يكلم ابنه من ذلك اليوم حتى مات. انظروا كيف كانوا يتمسكون ويحبون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادون الناس جميعا من أجلها. هذا ابنه قال الراوي لم يكلمه حتى مات، حتى مات لم يكلمه من أجل ماذا؟ أنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وأنت تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونك جي ديزي son fils, le fils de Omar al-Khattab, Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, une fois il était en train de parler avec un de ses fils, ils ont parlé de la mosquée des femmes. Ensuite Abdullah ibn Omar lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tamna'u ima Allah masajid Allah, n'empêchez pas les femmes d'aller aux mosquées. Son fils a dit wallahi moi je l'empêcherai d'aller à la mosquée. Alors son père lui a dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar lui a dit comment ça? Je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne l'empêchez pas et toi tu l'empêches. Ensuite celui qui a rapporté le hadith il a dit wallahi je jure par Allah que depuis ce jour là depuis ce jour Abdullah ibn Omar n'a plus parlé à son fils jusqu'à sa mort. Il n'a plus parlé à son fils jusqu'à quoi? Jusqu'à sa mort. Mais ils étaient très jaloux de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment moi je te dis le prophète a dit cela, toi tu me dis je fais le contraire. Wallahi à partir d'aujourd'hui je ne vais plus te parler jusqu'à la mort. Et subhanallah l'adim, il n'a plus parlé avec son fils jusqu'à la mort. C'est dire que combien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelque chose de yani, azima dans le cœur des sahaba radiyallahu ta'ala anhum. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، نبحث عن بعض الأحاديث الجديدة التي لم نقرأها، يقول هذا ذكرناه مرة لكن نعيده للفائدة فقط. يقول إذا اصطحب رجلان مسلمان فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر فليسلم أحدهما على الآخر ويتبادل السلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il a dit quand deux musulmans marchent par exemple dans la rue, ensuite il y a quelque chose qui les sépare, il a dit même si c'est un arbre par exemple ou bien un roche et un caillou, ou bien un caillou, c'est-à-dire un roche et un grand caillou par exemple, ou bien par exemple une tente, il y a une tente dans la rue, autrefois il y avait des tentes, il n'y avait pas de maison. Il a dit dès qu'ils se rencontrent ils se disent encore une fois assalamu alaikum wa rahmatullah. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuh tahabbabtum ifshu salam baynakum aw fima baynakum. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous voulez pas que je vous montre quelque chose, si vous allez la faire vous allez vous aimer. Ifshu salam fima baynakum, dites beaucoup يعني ديت ابو مام يعني ديت السلام عليكم ورحمة الله. هذه كلمة السلام عليكم ورحمة الله ça a un grand rôle pour nous ça nous paraît rien mais ça a un grand rôle le fait de dire السلام عليكم aux gens. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit quand on marche ensemble, ensuite dès qu'il y a quelque chose qui nous sépare, même par exemple un arbre nous sépare, si on s'encontre on doit dire السلام عليكم ورحمة الله. Une voiture nous sépare, on s'encontre on doit dire السلام عليكم ورحمة الله. Et puis si tu veux yani, pour ne pas oublier cette sunna etc, tu la fais yani, pense que avant de la dire, pense que salam, lorsque tu vas dire salam, premièrement lorsque tu dis salam alaykum wa rahmatullah, premièrement tu as, si tu dis salam alaykum tu as 10 bienfaits, 10 hasanat, wa rahmatullah 20, wa barakatuhu 30 hasanat. Maintenant pense que kalimat salam, le mot salam c'est un nom, un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a beaucoup de noms. Al-Salam, Al-Aziz, Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Rahman. Parmi ces noms, Al-Salam. Donc Allah Azza wa Jalla aime quand quelqu'un dise son nom. Donc quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis Salam alaikum. Pense que Salam a dit, c'est pas une habitude, on dit comme ça Salam. mais c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le tout puissant, on est en train de l'invoquer. Donc comme je disais, cette sunna est maintenant yani mahjoura, asbahat hadi sunna mahjoura, on dit en français yani presque perdu de la sunna, presque personne ne l'a fait. Les gens maintenant ne disent salam que peut-être dans l'obligation, peut-être une fois par jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à chaque fois quelque chose vous sépare, vous la dites encore une fois. Un arbre nous sépare, on dit salam alaykoum. Un homme rentre entre nous deux, je dis salam alaykoum, et ainsi de suite. Voilà une des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam que, comme je disais, beaucoup de gens ne connaissent pas. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, je suis en train de chercher le hadith qu'on n'a pas encore dit. Voilà, celui-là on l'a dit, mais on le répète seulement yani pour la faïda. Il a dit: Ida anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqatan. Si quelqu'un de vous dépense quelque chose pour sa famille, yani il achète quelque chose ou là, s'il met dans son cœur l'intention, il fait l'intention que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit de dépenser, et c'est Allah azza wa jal qui aime quand on dépense à cause de la famille, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu fais cela avec cette intention, Allah azza wa jal va te donner un ajr, sadaqa, subhanallah al-azim. Wa tum tulahidun anna kulla ahad minna labudda an yunfiqa ala ahlih, idhan falyakhtar imma an yunfiq wa huwa ma'jur إذا أحضر النية كما ذكرنا هنا يحتسب ذلك لله وإما أنه ينفق وهو ليس مأجور مع الأسف. Donc vous remarquez que quiconque de nous, quiconque qui est marié, doit dépenser à cause de sa famille. Mais maintenant il choisit, ou bien qu'il fasse l'intention dans le cœur et il aura des bienfaits, ou bien qu'il ne fasse pas l'intention, il va dépenser ses taux, il ne va pas avoir de âge. Ou bien s'il va voir, c'est minime par rapport à celui qui fait l'intention que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit de dépenser, et qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit faites cela. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam: Ida batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al mala'ikatu hatta tusbih la'anatha الملائكه حتى تصبح. Quiconque des femmes ou bien des épouses yani passera la nuit loin du lit de son mari, la'anatha al-malaika, les anges vont la maudire jusqu'au matin, les anges vont la maudire jusqu'au matin. Wa inshallah ta'ala kullukum ta'lamun anna hadha الفعل هذه يعني هي ماذا من كبائر الذنوب هي من كبائر الذنوب بدليل ماذا بدليل اللعن هذه القارنة إذا كان فيه الذنب فيه اللعن فاعلموا أن هذا من كبائر الذنوب هذه قاعدة كل ذنب يتوعد باللعن من فعل كذا لعنة الله على من فعل كذا وكذا هذا دليل أن هذا الذنب كبير وليس بالصغير. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم quand il a dit les anges vont la maudire, c'est pas les gens, mais les anges vont la maudire à chaque fois qu'il y a le maudire, le maudissement, le maudire, l'âne, ça veut dire qu'on a fait un grand péché. Chaque fois que vous lisez le Coran ou bien le hadith, vous trouvez l'ânat Allah ala celui qui fait cela, l'ânat Allah ala celui qui fait cela, ça veut dire que cette chose-là, c'est un grand péché. Parce que les péchés, il y a les petits péchés, il y a les grands péchés. Donc, quiconque des femmes, yani, ne veut pas dormir avec son mari, et change de lit ou bien va changer de chambre ou bien descend du lit et va descendre par terre, celle-là les anges vont la maudire jusqu'au matin. Wa fi hadith thani fi hadith sahih muslim wa hadith yani yu'jibuni kathiran mada fi yaqul ayyuma imra'atin batat hajira li firashi zawjiha illa kana alladhi fi as-sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. سبحان الله العظيم. لماذا يعجبني الحديث؟ لأنه يقول إلا كان الذي في السماء، يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، يقول في السماء كان إلا وكإلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها يرضى عنها يعني زوجها. Donc le deuxième hadith dit que quiconque يعني des femmes ou des épouses dort loin du lit de son mari, bien sûr quand on dit dort loin du lit etc, on veut dire qu'elle l'empêche du rapport, ça veut dire elle l'empêche du rapport. Donc le deuxième hadith dit quiconque des femmes empêche son mari, celui qui est dans le ciel sera en colère contre elle jusqu'au moment où son mari soit radi anha yani soit plus en colère d'elle. Mais ce qui m'a plu ici dans ce hadith, c'est qu'il a dit celui qui est dans le ciel c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mal'asaf مازال كثير من الناس لا يعرفون أن ربهم في السماء. كثير من الناس إذا سألته أين الله يقول هو في كل مكان. يقول هو في كل مكان. مع الأسف هذه العقيدة هذه الفاسدة عقيدة النجارية والجهمية والأشاعرة هذه إن شاء الله تعالى لابد أن كان المفروض أن ندرس اليوم هذا الأمر، لكن اليوم يعني لم يكن عندي من الوقت الكافي فنترك ذلك لغد إن شاء الله تعالى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit celui qui est au ciel sera en colère contre elle, celui qui est au ciel c'est-à-dire Allah azza wa jal. Mais comme je disais en arabe, c'est très malheureux que beaucoup de gens, beaucoup même de frères et sœurs, beaucoup de musulmans ne savent pas que Allah subhanahu wa ta'ala, on dit de lui qu'il est au ciel, au-dessus des cieux. Et beaucoup de gens tu leur demandes où est Allah, il va dire il est partout. Astaghfirullah, il est partout, Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout. Astaghfirullah, il est dans les toilettes. Comment qu'il est partout? Il n'est pas partout. Il est sur son trône. Sur le septième ciel, au-dessus du septième ciel, sur son trône, au-dessus de son trône. Ala l'arsh, Rahman. Ala l'arsh istawa. Mustawin ala arshi. Comment il est partout? Il n'est pas partout. Et c'est pire, même il y en a d'autres. Même si ils t'entendent dire par exemple où est Allah, ils te disent non, ça se dit pas. Pourquoi tu demandes où est Allah? Ça se dit pas, Allah n'a pas de place, etc. Bien sûr, ce sont des égarés dans la aqida. Il faut qu'ils apprennent la aqida, parce que la doctrine de la aqida, c'est quelque chose de très très très très très essentiel. Quand maintenant on connaît rien d'Allah et on sait même pas qu'il est sur son trône et on croit qu'il est partout et ensuite on va dire aux gens ne dites pas où il est, etc. Ça veut dire qu'on a vraiment des problèmes dans la aqida, et quand la aqida n'est pas vraie, n'est pas juste, n'est pas solide, on a peur de ne pas yani continuer le chemin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas yani la vraie aqida n'est pas ancrée dans le cœur. Quand elle n'est pas ancrée yani, ça nous arrive beaucoup de problèmes. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Il n'a pas dit qul la ilaha illallah, il a dit fa'alam, apprends qu'il n'y a de Dieu que Allah. C'est pas dit il n'y a que Dieu, que Allah. Non, apprends. Il faut apprendre la aqida, ça s'apprend. Ça. C'est pas une phrase qui se dit. Shadoun la ilaha illa, shadoun Muhammad Rasulullah. Naam, shadoun la ilaha illa. Mba tu rouhle le qabr, t'atlub min sahib le qabr an yuatik l'aulad li anna zawjataka la talid. Ou t'atlub min sahib le qabr an yishfiyik li anna ka marid. Ou t'akoul shadoun la ilaha illa. Hadi liste bi shahada hadi. Naam, liste bi shahada. J'atteste que Allah est un. Ensuite je vais à la tombe, je vais au cimetière et je demande à celui qui est dans la tombe de me guérir quand je suis malade et de me donner des enfants parce que ma femme n'enfante pas. Ensuite je vais dire la ilaha illallah. Il n'y a pas de la ilaha. Dès qu'on fait cela, la ilaha illallah s'annule. Exactement comme les ablutions. مثل الوضوء. مثل الوضوء 100%. تتوضا ثم تذهب انت الى المرحاض وتبول. خلاص انتقض وضوءك. نفس الشيء تقول لا إله إلا الله وما تفعل شركيات، تفعل أمور كبيرة، تشرك بالله الشرك الأكبر، فقد ناقضت توحيدك وناقضت شهادتك والعياذ بالله. Donc je disais لا إله إلا الله هذه c'est comme les ablutions. Quand quelqu'un fait des petites ablutions, ensuite il va rentrer aux toilettes, il va uriner ou je ne sais pas ce qu'il va faire, ça y est, il a annuler ses ablutions. La même chose, la ilaha illallah, ça s'annule. Elle a des choses qui l'annulent. Si tu dis la ilaha illallah, ensuite tu vas à la tombe, tu vas dire aux morts, donne-moi ceci, donne-moi cela, tu as annulé la ilaha illallah. Et il faut rentrer en islam de nouveau, car quiconque meurt comme ça, il meurt dans le shirk al-akbar que Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. هذا فيما يخص هذا الحديث. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم, نعم يقول, هذا قلناه أيضا نعيده للفائدة, يقول إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له. كثير من علماء منهم شيخ الألباني وكذا وابن حزم وكذا يقولون هذا واجب, واجب, لأن الحديث ماذا قال؟ قال فليتعوذ فعل أمر, والأمر يحمل على ماذا؟ يحمل على الوجوب, إلا بقارنة, إلا بقارنة تصرفه إلى ماذا؟ الاستحباب أو الإباحة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فليتعوذ. إذن كل إنسان, كل مسلم, كل مصلي قبل أن يسلم ماذا يقول؟ مثلا صلى على إبراهيم إنك حميد مجيد, قبل أن يقول السلام عليكم ماذا يقول؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. أربع, يتعوذ من أربع قبل أن يسلم. وكذلك في التشهد الأول, في التشهد الأول مثلا صلاة الظهر, في التشهد الأول يستطيع أيضا أن يقول هذا بعد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال, ثم يقوم, ثم يقول الله أكبر, ويقوم يصلي ركعة ثالثة, ثم يقوله في آخر التشهد ويسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré على محمد ولا ما فيش صوت, ممكن ذهب الصوت. طيب لو ما صلي على محمد كما صليت على إبراهيم ولا آل إبراهيم في العالمين, في العالمين, ثم ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله. يقول هذه الأربع قبل أن يسلم, يقول هذه الأربع قبل أن يسلم. وقال شيخ الألباني على رحمة الله قال ويجوز هذا, وأيضا هذا من السنة أن يقوله في التشهد الأول أيضا, aussi dans le premier تشهد, comme par exemple صلاة الظهر, quand on fait le premier تشهد avant de se lever pour faire la troisième ركعات, tu peux dire aussi cela. فدير اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال, الله أكبر, et tu te lèves, tu fais la troisième raka, ensuite la quatrième raka, tu dis la même chose et tu dis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, يقول إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر, حتى تسمع كلام الآخر. سبحان الله العظيم, يكتفى في الحكم بين الناس وفي القضاء بالناس أن يسمع من أحد فقط, هذا لا يجوز, لا يجوز. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si deux personnes, je ne sais pas comment on va dire ça en français, à peu près, je donne le sens, deux personnes par exemple viennent, ils vont te prendre comme juge. Bon, on a des problèmes, etc. Et Annie, celui-là il m'a fait ceci, celui-là il m'a fait cela. C'est toi qui vas juger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne juge jamais à l'un des deux sans avoir écouté le deuxième. Naam, sans avoir écouté le. Naam, ne juge jamais, ne lui dis jamais tu as raison avant d'avoir entendu le deuxième. Tu lui écoutes. Lui dit d'accord, je t'ai entendu, barakallahu fik, laisse-moi écouter l'autre, le deuxième, l'ennemi ta'ak, l'adversaire, laisse-moi l'écouter, après je te dirai inshallah qui a raison et qui n'a pas. Dimada, li anna nasa فيهم من يحسن الكلام، ومن فيه من الناس من أوتي جدلا ويعرف يتكلم، كما في الحديث الصحيح قال لعل بعضكم ألحن من بعض، وفيه من مسكين لا يعرف أن يتكلم. ثم لهذا يقولون مثلا إذا جاءك إنسان مثلا يشكو لك وهو أعور، عنده عين عورة يعني مضروب، فلا تحكم له بالحق حتى تسمع الثاني وتراه، ممكن هو أعمى، إذا هذا أعور ممكن الآخر أعمى، لا الآخر أعمى نعم، لا تتسرع في الحكم. C'est pour ça que vous savez bien que savoir parler c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui savent parler, il y a des gens qui ne savent pas. Il a des choses dans le cœur, il ne peut pas les faire arriver aux autres. Il ne peut pas les faire sortir aux autres. C'est pour ça que il y a ce qu'on appelle l'avocat. Pourquoi on va à l'avocat? Parce qu'on ne sait pas parler, on ne connaît pas ce qu'on doit dire, etc. L'avocat sait parler à ta place, etc. Donc quand quelqu'un parle, on se dit, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Il faut d'abord entendre l'autre. Et puis l'autre peut-être aussi ne sait pas parler. Peut-être qu'il a besoin de quelqu'un qui parle aussi à sa place. C'est pour ça que les gens disent, si quelqu'un vient par exemple, vient pour se plaindre, vient se plaindre à toi, et qu'il est borgne, ça veut dire power, il a un œil déjà, il y a un œil classe avec lequel il ne voit plus, il te dit voilà, on m'a frappé, on m'a crevé l'œil, regarde X ce qu'il a fait de moi, etc. Mais l'autre c'est ceci, cela. Attends que tu vois l'autre. Les gens disent peut-être est aveugle. Si celui-là il a un œil crevé, attends l'autre, peut-être il a les deux yeux crevés. Attends de voir l'autre, ensuite tu vas dire à celui-là yani, qui a raison. C'est pas yani, il vient quelqu'un avec un œil crevé, là c'est toi qui as raison. Laisse-moi voir le deuxième, peut-être qu'il a les deux yeux crevés. Les deux yeux, pas un seul œil. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis de juger quelqu'un, ou de juger, ou de donner yani, raison à quelqu'un ou là, sans avoir entendu le deuxième. Sans avoir entendu le deuxième. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si tu fais le wudu, quand tu fais les ablutions, خلل يعني tu dois faire passer l'eau entre les mains de tes doigts et entre tes orteils. Tu khallil yani, tu ouvres tes doigts et tes pieds, tu fais rentrer l'eau comme ça avec par exemple ton petit doigt ou bien le doigt qui a pris le petit, tu fais rentrer ton doigt entre tes orteils comme ça pour que l'eau rentre à l'intérieur. On ne fait pas comme font certains, qu'est-ce qu'il fait? Il met son pied comme ça sous le robinet. Il ouvre le robinet, il met son pied sous le robinet et dit khlas, j'ai fait les piles. Non. Tu n'as pas fait les pieds. Pour faire les pieds, tu dois mettre avec ta main et faire passer et mettre ton doigt, tu le mets entre les orteils de tes pieds pour que tu sois sûr que l'eau est rentrée à l'intérieur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khallil asabi'a yadayka wa rijlayka. Donc on doit faire ce qu'on appelle at-takhlil hada. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu viens à la mosquée, tu rentres à la mosquée, tu trouves les gens qui ont déjà fait la prière. Par exemple, je rentre à la salat al-dhahr, pardon, c'est pas ça. Je rentre à la mosquée et j'ai déjà fait la prière à la maison. Par exemple, j'ai entendu l'appel de salat al-dhahr, j'ai fait le dhahr. Ensuite, je suis allé par exemple à la mosquée pour rencontrer quelqu'un. Maintenant, quand je rentre à la mosquée, je trouve les gens en train de faire salat al-dhahr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire la prière avec eux. Mais bien sûr, avec l'intention de sunnah et nafila. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas la prière, tu vas t'asseoir, les gens vont dire des choses sur toi. Ou bien ils vont dire, celui-là c'est un kafir, qui n'est pas la prière. Ou bien ils vont dire l'imam qui guide la prière, donc c'est quelqu'un derrière lequel on ne doit pas faire la prière. Voilà une preuve, celui-là il est assis là, il ne veut pas faire la prière derrière lui, donc il doit connaître l'imam, il doit le connaître, et il sait que par exemple il boit de l'alcool ou je ne sais pas ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il ne fait pas la prière derrière lui. Donc pour enlever les doutes à l'imam et enlever les doutes à toi, si tu rentres à la mosquée, même si tu as fait la prière à la maison, tu dois faire la prière avec les gens, mais avec l'intention d'une nafila. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu quelqu'un ou a vu deux hommes assis après qu'il a terminé le prophète, après qu'il a terminé la prière sallallahu alayhi wa sallam, il a vu deux hommes assis. Qu'est-ce qu'il a dit directement? Awalastuma bi muslimain, vous n'êtes pas des musulmans. Ils lui ont dit, wallah ya rasulallah, on a fait la prière à la maison, on est venu. Il a dit la taf'alu, à peu près le sens du hadith, hein, il est sahih. La taf'alu idha sallaytum fi rihalikum thumma ataytum masjid fa sallu ma'a an-nas aw sallu ma'a al-imam. Si vous faites la prière à la maison, ensuite vous venez à la mosquée, faites la prière avec qui? Avec l'imam. Donc voilà une sunna aussi que beaucoup de gens ne connaissent pas. S'il fait la prière à la maison, il va à la mosquée, il te dit ça, je ne fais pas la prière, je l'ai faite à la maison. D'accord, tu l'as faite, mais ne rentre pas à la mosquée, reste dans la rue, tu n'es pas obligé de la faire avec les gens. Mais si tu rentres à la mosquée, ça y est, tu es obligé de faire la prière avec les gens, même si tu l'as faite à la maison, tu fais l'intention de quoi? Du nafila. Ce n'est pas une prière obligatoire, tu fais l'intention de nafila. إذا قلت إذا دخل أحدنا المسجد لابد أن يصلي مع الناس ولو كان صلى في بيته. لماذا؟ حتى لا يتهم في دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الناس جالسين قال أولستما بمسلمين؟ قال بلى، صلينا في رحالنا. قال لا تفعلوا، إذا صليتم في رحالكم وأتيتم المسجد فصلوا مع الإمام. إذا حتى ماذا؟ حتى لا يتهم الإنسان في دينه، وأيضا حتى لا يتهم الإمام أيضا الإمام، لأن لعل الناس يقولون لماذا هذا لم يصلي. ممكن هذا يعرف أن الإمام له يعني مشكلة أو أن الإمام فاسق، ممكن من أجل هذا لا يصلي معه. إذن يصبح الناس ماذا؟ لا يصلون وراء الإمام من أجلك أنت ومن جراء مخالفتك للسنة. إذن الإنسان إذا دخل المسجد لابد أن يصلي معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمانة، إذا حدث ثم التفت فهي ماذا؟ فهي أمانة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si quelqu'un parle d'une chose alors qu'il est en train de te parler, il t'effet, يعني il regarde par exemple à droite ou bien il regarde comme ça à gauche, il t'effet, يعني il regarde يعني il regarde si les gens par exemple l'écoutent ou ne sont pas en train de l'écouter. Il a dit il التفت الرجل وهو يتحدث فهي أمانة, ça veut dire qu'il veut de toi que tu ne parles pas aux autres ce qu'il est en train de dire. نعم كون الرجل يتحدث معك ويلتفت ينظر هل الناس يسمعون إليهم لا يسمعون. هذا دليل على ماذا؟ على أنه يريد منك أن تستر هذا الأمر وأن لا تخبر به الآخرين، لأن هذه الالتفات هذه دليل على ماذا؟ أنه يريد الستر. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit si quelqu'un te parle il regarde à droite et à gauche, ça veut dire qu'il veut de toi que tu ne racontes cela à personne. يعني c'est pas la peine qu'il vienne te dire ou là qu'il te dise écoute ne dis pas ce que je t'ai dit. Ça y est, le fait qu'il regarde à droite et à gauche, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu dises cette chose là aux gens. Car le musulman doit être intelligent. C'est pas la peine qu'on lui dise cette chose, il faut pas que tu la dises, ou bien attends, je vais te dessiner quelque chose. Non, le fait, je remarque qu'il est en train de regarder à droite, à gauche, ça veut dire qu'il veut que personne n'entende cette chose. Allah Azza wa Jal, an yu'allimana sunnata rasulina sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadith Hassan, yaqul, idha kharijta min manzilik, فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu sors de ta maison, avant de sortir de ta maison, fais deux rak'at. Les deux rak'at, elles t'empêcheront qu'il t'arrive quelque chose que tu n'aimes pas. Ces deux rak'at empêcheront, lorsque tu vas sortir, qu'il t'arrive quelque chose de détestable, quelque chose que tu n'aimes pas. Et lorsque tu reviens à ta maison et tu rentres à la maison, commence par deux rak'at. Fais deux rak'at. Elles t'empêcheront qu'il y ait quelque chose, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de ta maison que tu n'aimes pas et que tu détestes. Subhanallah al-Azim. هذه سنة قلما يعرفها الناس ومن يعرفها قلما يفعلها وهو انه يصلي ركعتين اذا اراد الخروج من البيت ويصلي ركعتين اذا دخل الى البيت. هذه سنة عظيمة لكن مهجورة كما يخفى عليكم. فنسأل الله عز وجل ان يعيننا على إحيائها. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, cette sunna bien sûr elle est comment on dit mahjoura, hein? Mahjoura elle ne se fait plus, peut-être même si elle est connue, elle ne se fait plus. Faire deux rak'at avant de sortir le matin et faire deux rak'at dès que tu rentres directement à la maison. Comme je disais, que je ne sais pas s'il y a de nos jours des gens qui fassent encore cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide et qu'il nous apprenne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le prophète a dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها. Si quelqu'un demande la main d'une femme, si on demande la main, il demande la main, فلا جناح عليه أن ينظر إليها. Ce n'est pas interdit qu'il regarde ou qu'il la regarde ou qu'il la voit. أن ينظر إليها. إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته. لكن بشرط أن يكون النظر لماذا؟ للخطبة. لأنه يريد أن يخطب وليس يريد شيئا آخر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est pas interdit qu'il la regarde ou qu'il la voit ou mais il a dit à condition que ce regard soit à cause du quoi, à cause qu'il veut demander sa main. C'est pas il va regarder comme ça et il n'a pas l'intention dans le cœur. Non, celui-là il a l'intention dans le cœur de demander sa main. C'est pour ça qu'il veut la voir. C'est pour ça qu'il veut la voir. وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمْ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمْ. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si elle ne sait pas, ça veut dire même si elle ne sait pas qu'elle est en train de le voir, il lui est permis qu'il essaye de la voir. Comme faisait Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu, il se cachait derrière un arbre pour voir une femme qu'il voulait se marier avec elle. Il se cachait derrière un arbre pour voir comment elle était, je ne sais pas où, sur le balcon ou là en haut sur la terrasse ou là, il essayait de voir au maximum ce qu'il pouvait voir d'elle. Cela, ce n'est pas interdit quand on a l'intention de quoi, de demander sa main. Maintenant, si on regarde pour le désir ou pour autre chose, bien sûr, ça, c'est haram, c'est illicite, et tout le monde, inshallah ta'ala, c'est cela. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا دخل أحدكم عفوا إذا دخل الرجل بيته. Lorsque l'homme vient l'un de vous rentre à la maison فذكر اسم الله حين يدخل, et que lorsqu'il rentre il invoque Allah Azza wa Jalla. Par exemple il dit assalamu alaykum wa rahmatullah. Vous savez que salam c'est le nom, un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'il rentre il dit assalamu alaykum wa rahmatullah. وذكر الله حين يطعم. Et lorsqu'on lui donne à manger, yadkurullah, yaqul bismillah. Il donne à manger, il dit bismillah. Mada yahdouth? Qala shaytan. Alors le diable, qu'est-ce qu'il va dire? Le diable est avec nous, il est à la maison, il est partout. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire la mabita lakum wa la asha'a hauna. Il va dire à ses enfants, à sa femme, il a des enfants, il a sa femme, il a des amis, il a un monde avec lui. Qu'est-ce qu'il va leur dire? لا مبيت لكم ولا عشاء هنا. ici aujourd'hui, cette soirée-là. Ce soir, il n'y a ni manger, ni dormir dans cette maison. On ne peut ni manger, ni dormir. وَإِنْ دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ. Et si, lorsqu'il rentre, l'homme par exemple, ou là, qui va rentrer à la maison, il dit pas salamu alaykum. Le diable dira, قَالَ الشَّيْطَانَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتِ. Dès que quelqu'un rentre à la maison, il dit pas salamu alaykum, le shaitan, qu'est-ce qu'il va dire à sa compagnie? Vous avez gagné le coucher. Le coucher, khlas, vous l'avez gagné. Il est rentré, il n'a pas dit bismillah. Il n'a pas dit salam. Maintenant, il reste pour le shaitan. Ça y est, il va dormir à la maison. Il reste seulement, est-ce qu'il va manger ou est-ce qu'il ne va pas manger? Le hadith a dit wa in lam yadhkur isma Allah 'inda mat'amihi qala adraktu al-mabita wal-'asha. Et si jamais encore il ne va pas dire bismillah lorsqu'il va manger, le diable, qu'est-ce qu'il va dire? On a gagné ou j'ai gagné le coucher et le manger. Le coucher et le manger. Donc il y a l'importance de quelqu'un, quand il rentre à la maison, de dire salamu alaykum, et quand on lui donne à manger, de dire quoi? De dire bismillah avant de manger. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة. Lorsque les gens du paradis